J'fume la vie dans un gros joint. Jour et nuit, sa pipi dans les sales coins. Et oui, l'ami, depuis petit, on est dans le pétrin. À la Tessie, on est trop à voir, trop fin. J'fume la vie dans un gros joint. Jour et nuit, sa pipi dans les sales coins. Et oui, l'ami, depuis petit, on est dans le pétrin. À la Tessie, on est trop à voir, trop fin. Jour et nuit, j'fume la vie. Tous les jours, j'vends de la hi. Puisqu'il est touche-me depuis l'époque des QC. Depuis petit, c'est QC sur QC. Bibi sur bibi. Laisse-moi faire mon yippie, je pige. J'suis pas un peu j'bais, donc faut pas me zebais. Fais pas le teubais, tu sais bien que tout j'bais. Il paraît qu'on est tous rails. Pourtant on s'raye pour de l'oseille. On fait des merveilles. Écoute ma vieille, ferme tes volets. Ferme ton clapet, on en a marre des bracelets. De remettre nos lacets au fond d'un bus. Que le contrôleur me suce. En plus on m'a trop dit que dans la vie j'étais mal parti. Sans études j'ai eu un bug de conneries. Joue pas le Sean Connery ou le Bruce Willis. Tape tu vis, fils, et on dévisse. J'fume la vie dans un gros joint. Jour et nuit sa pipi dans les sales coins. Et oui l'ami depuis petit on est dans le pétrin. À la Tessie on est trop à voir, trop fin. J'fume la vie dans un gros joint. Jour et nuit sa pipi dans les sales coins. Et oui l'ami depuis petit on est dans le pétrin. À la Tessie on est trop à voir, trop fin. J'pisse sur l'horloge, fait pour qui, pourquoi. Et j'glisse dans le rat quand on crève des quêtes là. Évite le car plat, évite les tarbas. Évite de manger des ratas comme une cache pas. J'répète. J'pisse sur l'horloge et glisse dans le rat quand on crève des quêtes là. Évite le car plat, évite les tarbas. Évite de manger des ratas comme une cache pas. J'fume la vie dans un gros joint. Jour et nuit sa pipi dans les sales coins. Et oui la vie depuis petit on est dans le pétrin. À la Tessie on est trop à voir, trop fin. J'fume la vie dans un gros joint. Jour et nuit sa pipi dans les sales coins. Et oui l'ami depuis petit on est dans le pétrin. À la Tessie on est trop à voir, trop fin. Index, c'est une descente de Condé. Fais belle ex, c'est pas le moment de tomber. Et ouais mec, le crime est inondé. Sans deck, on a tous succombé. Au charme de l'argent facile. Aux armes quand le vacarme chante dans la ville. Sonne l'alarme, casse sur l'acadame, le drame défile. C'est débile, trop de frères. Parle trop au bout du fil et ça nous grille. Au lieu de briller comme l'or, entre l'ordi on se torpille. En vrai ça chlingue à mort. Certains taffent avec les porcs, te balancent en remords. Pendant que d'autres te relancent quand la haine te dévore. Sorti de ma petite cité, bombe tête déterminée à tout niquer. J'vais plus de rêve, bref j'vais être friqué. Et si on te lève faudra pas regretter. J'fume la vie dans un gros joint. Jour et nuit sa pipi dans les